J'arrive à hauteur d'une intersection et je suis sur l'axe prioritaire. Réglementairement, rien ne m'interdit de dépasser ce cycliste. Mais il est intéressant de se mettre à la place de l'automobiliste arrêté au stop, qui a allumé son clignotant droit. Pour lui, le danger immédiat pourrait venir de sa gauche. Donc, il peut très bien jeter un coup d'œil rapide sur sa gauche, tout en glissant vers la droite, d'où selon lui un danger direct ne peut pas survenir. Et dans le cas où il aurait aperçu le cycliste et ma voiture, pas encore déportée dans la voie de gauche pour le dépasser, il pourrait estimer qu'il peut s'engager à droite. Bien sûr, ce ne sont que des suppositions. Mais mieux vaut y avoir réfléchi pour reconnaître ce type de danger, qu'on soit sur l'axe prioritaire ou pas. Réponse B.